Chapitre 3e. 6 semaines plus tard, le temps pressait. Elsa arrivait à Amsterdam sous les apparences d'une jeune veuve. Elle avait, autant que faire se pouvait, accusé le caractère sémitique de son visage, et son hollandais, correct, mais légèrement guttural parfois, roulait un peu d'accent yiddish. Elle descendit dans un bon hôtel du Quai Rouge, où, elle le savait, fréquentait des agents allemands et où exerçait un redoutable propagandiste, Herr Heinrich Berzelius, qui fut par la suite chef de la propagande allemande à Bucarest et à Sofia. C'était un petit homme boulot, chauve, dont la double nuque et le triple menton écrasaient le haut faux col dur, mais dont les petits yeux porcins, les trottinements de rats, sans cesse en mouvement, disaient une intense activité. Grand buveur, gros mangeur, fumeur intrépide, Herbert Silius ne restait jamais sans rien faire, et mangeant, buvant, fumant, lisait journaux et revues, prenait note sur note, tapait furieusement sur sa machine à écrire et expédiait des milliers de mots chaque jour au télégraphe. Herbert Silius n'avait pas été sans remarquer que cette grande et belle jeune femme, aux vêtements pauvres, aux chaussures fatiguées. Un soir, en entrant dans le hall, une fiole d'huile à machine à la main, il tomba et se blessa assez profondément à l'index et au pouce. Elsa aide à le relever, à le panser. « Le diable emporte ma malchance, dit-il. J'avais 10 lettres et autant de télégrammes à taper ce soir, et je ne vais pas pouvoir le faire, et mon secrétaire n'est pas là. » « Si je puis vous être de quelque utilité, monsieur, » dit timidement Elsa, « je connais très bien la machine. »« Oui, merci, mais connaissez-vous l'allemand ?»« Oui, très bien, l'anglais aussi. »« Ah, » dit Berzelius, enchanté, « voici bien la chance de la vieille Allemagne. J'accepte, mademoiselle, venez, je vous prie. » La collaboration se prolongea 3 jours durant entre Herr Berzelius et la jeune femme, qui n'accepta qu'avec embarras la juste rémunération de ses services. Puis elle disparut. Herbert Silius s'inquiéta de cette disparition, et ce ne fut pas sans une secrète satisfaction qu'il apprit qu'Elsa, qui se faisait appeler Anna von Grotters, était allée se réfugier dans une pension pour femmes seules, le Louisbourg-Brouwen, située dans le Prinzessgratsch, et où, pour 4 florins par jour, elle avait la table et le gîte. Chercher l'hôtel, le trouver, suivre la jeune femme, la guetter, la faire pister, ne fut pas long. Et 5 jours ne s'étaient pas écoulés que Herbert Silius savait qu'Anna von Grotters avait été vendre elle-même chez un fripier un manteau et une toilette très convenables et qu'elle avait engagé, chez un prêteur sur gage, une chaîne d'or. « Très bon, » dit le petit homme. Le lendemain même, il alla voir Elsa, lui parlait très paternellement et lui offrit une place de secrétaire particulière à 300 florins par mois, plus les repas. « Ce n'est qu'un commencement, » dit-il, « je paierai beaucoup mieux. » Mais n'est-ce pas, il faudra aussi que votre tenue soit un peu plus gaie, un peu plus, enfin, coquette. Vous devez vous mettre mieux en valeur, mon enfant, et si vous m'écoutez, je ferai votre fortune. Oui, monsieur, dit docilement Elsa. Faudra-t-il que je mette de la poudre et du rouge? Mais oui, il faut apprendre à vous arranger. Vous ne savez pas? Non, feu mon mari ne voulait pas. Très bien, dit Herbert Zelius, enchanté. Quand, le lendemain, la fausse Anna arriva chez lui, à 9 heures du matin, Herbert Silius faillit lui pouffer du rire au visage. La jeune femme avait acheté tout un assortiment de crayons de couleur, de poudre, de rouge, et s'était fait une beauté, de telle façon qu'elle ressemblait au masque central d'un totem de Port-Rouge. Le noir, l'ocre, le rouge, le jaune, le bleu et même le vert lui composaient un maquillage forcené. L'allemand lui conseillait d'appeler pour en premier essai la coiffeuse de l'hôtel, une brunette assez délurée, qui était aussi manucure et maquilleuse, œuvra si bien du fer à onduler, du peigne et des estompes qu'en 2 heures, elle offrit au regard émerveillé de Herbert Silius une Anna métamorphosée, sous laquelle il eût été bien difficile de reconnaître et la timide petite veuve israélite et la hardy police woman qui avait si bien joué von Bissing. « Ah !» dit le petit gros homme en se frottant les mains. « Voilà qui est bien, très bien. Ah, je suis très content. » Et il le fut bien plus de jour en jour. Sous la direction spirituelle de Clara, la coiffeuse, et d'une autre femme, jeune, d'une élégance un peu roide et quasi militaire, que le nommait Frau Helena, grâce aussi à certaines dispositions naturelles, Anna von Grotters dépouillait sa vieille personnalité avec une aisance prodigieuse. De la femme gauche, empruntée, si timide, sous sa vêture couleur de suie, et qui ne savait que le strict nécessaire des usages ordinaires du monde, se dégageait une autre créature plus vive, plus gaie, plus compréhensive, qui comprenait et aimait la coquetterie. Il n'était pas deux jours sans qu'il arrivât au bureau du docteur Berzelius avec un colis fiché nouveau, de franche camelot ou de valeur médiocre, mais plutôt cher. En riant sous cape, l'Allemand la regardait faire et se renseignait. Il lui avait payé un mois d'avance afin de lui permettre de se remplumer. Il consentit encore à lui avancer 100 florins avant la fin du premier mois, sur son mois à venir, ce qui permit à la jeune femme d'arborer, 3 jours plus tard, une robe neuve et un collier de faux corail blanc. Une semaine plus tard, elle demanda encore 100 florins afin de pouvoir acheter un amour de manteau cap pour sortir le soir. Herbert Zelius fit la grimace et donna les 100 florins. Elsa, le surlendemain, revint avec le manteau, mais redemanda 50 florins pour régler sa note à la pension. Herbert Zelius grogna, mais tout en haussant les épaules avec mauvaise humeur, donna l'argent. Elsa, 2 jours plus tard, arborait une écharpe et un chapeau charmant. Vint la fin du mois. En lui donnant les 50 florins qu'il lui restait à toucher, l'Allemand dit à la jeune femme « Inutile de revenir demain, Fräulein Anna. Je dois me passer de vos services. Il y a un mois que je vous ai engagé et je vous en ai déjà payé 2. Je ne peux pas continuer sur ce train-là. » « Comment ? Vous me renvoyez ? » fit Elsa d'un air atterré. « Oui, vous êtes trop dépensière. Mais c'est vous qui m'avez dit. Eh oui. Je vous ai dit d'être un peu plus soignée, plus... Enfin, plus... Oui, vous avez bien compris. Mais trop, c'est trop. Et puis vous m'avez menti. Vous m'avez demandé de l'argent pour votre hôtel. » Et vous n'avez pas payé ce que vous devez. Ça, c'est un petit abus de confiance. Allons, bonne chance. Au revoir, mon enfant. » La fausse Anna fondit en larmes. « Mais que vais-je devenir ? » gémit-elle. « Je fais cela pour vous faire plaisir. Et je n'ai pas de ressources. » Le docteur Berzelius sourit à part lui. « Je croyais une place fixe pour longtemps, et je n'avais plus rien à me mettre. Alors j'ai tout dépensé. Et si vous me renvoyez, je vais te rejeter à la rue. Et que voulez-vous que j'y fasse ? Ayez pitié de moi, » sanglota la malheureuse. « Allons, allons, ne pleurez pas comme ça. Il y a peut-être un moyen de nous entendre, » dit le gros homme. « Consentirez-vous à aller à Anvers chez l'un de mes correspondants ? Il possède un grand et bel établissement réservé à nos vaillants officiers. Et que ferai-je là ? Il se nomme Von Hedman, et il occupe un certain nombre d'employés. Comme il a du goût, il préfère les jolies femmes. Si vous le voulez, allez à Anvers. Je paierai votre hôtel. Je vous avancerai le prix du voyage. Et je vous ferai donner un laissez-passer pour le poste frontière. Ne m'en demandez pas davantage, par exemple. » « Mais que ferai-je là ? » fit Elsa. Je n'en sais rien. Enfin, vous verrez bien. Est-ce oui ou non ? Si vous refusez, bonsoir. Je n'ai pas de temps à perdre. Oui, j'accepte. » dit Elsa.